City sur Fadjet. La musique de toutes les cultures. Présentée par Jérôme. Bonsoir à tous les amis, je suis ravi de vous accueillir dans un nouvel épisode inédit. Comme chaque semaine, un concept d'une demi-heure de musique pour vous faire découvrir ou redécouvrir des artistes qui viennent de partout dans le monde avec des styles totalement différents. C'est ça la magie de Music and the City. Ce soir, on ose tout à nouveau. De la variété française, du pop-rock allemand et de l'alternatif, pourquoi pas. Et d'ailleurs, autant commencer avec nos amis allemands des Cinémas Bizarres, un groupe que j'adore depuis leur début en 2007 parce qu'ils proposent des sons qui me parlent, comme le titre Angel in Disguise, qui est un subtil mélange entre la ballade et de bons coups de guitare électrique. Ce qui permet de démarrer calmement mais sûrement, parce que j'ai quand même gardé quelque chose de lourd pour la fin. Vous allez voir. Angel in Disguise des Cinémas Bizarres, bonne soirée à vous sur Fadjet et bon appétit bien sûr. I can't believe Évadez-vous sur Fadjet dans Music and the City. Je les ai cités à plusieurs reprises dans cette émission, mais sans jamais proposer un focus sur les Gaillards. Alors après, je me suis dit que j'ai osé la tectonique la semaine dernière, alors pourquoi pas les Tokyo Hotel cette semaine ? C'est pas que je n'aime pas les Tokyo Hotel, mais je m'y suis jamais trop intéressé en fait. À la sortie du groupe, moi j'étais plutôt sur l'arrivée de Lady Gaga sur le marché, il y avait aussi le retour de Britney Spears, c'était quand même un peu plus paillette. Mais, je me suis penché un petit peu sur les artistes tout de même et j'ai découvert des morceaux vraiment top, mais bon, la folie était déjà retombée depuis longtemps. 2014 quand même, le single Love Who Loves You Back, un tempo vraiment enivrant, j'ai tout de suite adoré, tout de suite adhéré même. Surtout avec la pochette, très subjective. Et le clip déconseillé aux mineurs, quand on sait que le groupe à la base avait une fanbase qui était très ado, je me dis que vous pourriez juger avec la diffusion du clip sur le Facebook, ou alors vous pouvez foncer sur YouTube. Non, vous voyez ce que je viens de dire. Avant, faudrait peut-être découvrir ou redécouvrir la chanson sur Fadjet, non ? Turn me on, turn me on, turn me on, turn me on. Les artistes oubliés reviennent dans Music and the City. À la télévision française, il peut arriver, ça et là, de découvrir des artistes qui marquent plus que d'autres. Aucune raillerie dans ce que je dis. Et c'est un fait. On a tous en tête Jennifer ou Christophe Willem. J'en oublie pas pour autant Olympe, qui n'avait pas gagné la première saison de The Voice, mais pourtant est arrivé en finale. Un artiste que j'appelle artiste éphémère, c'est-à-dire un premier album de reprise juste à la sortie de l'émission, qui a très bien marché, un très bon disque d'ailleurs, que je vous conseille, et un unique album studio original, qui aura, lui, divisé les foules. Même si l'artiste continue de travailler sur divers projets musicaux, il est quand même plus discret depuis quelques mois, bien qu'il se soit marié. Après, je pense, et vous serez d'accord avec moi, c'est important de prendre son temps pour préparer un retour. Il a la vie devant lui, ce jeune homme, j'ai envie de dire. Ah bah tiens, c'est une bonne transition. Tout de suite, sur Fadjet, dans Music and the City, le titre « La vie devant nous » d'Olympe. Moi, je sais, elle était facile à caser, celle-là. Voir dans nos cœurs brûlants de l'important et tes yeux dans mes yeux. Rêver de bras tendus, de mise à nu, aller vers la lumière, le regard fier et ta main dans ma main. Partager nos destins chaque matin et tes pas dans mes pas. Avancer sans compter et tout donner, regarder loin devant, vivre l'instant et nos voix. Music and the City vous fait découvrir des thèmes ensoleillés sur Fadjet. CDA. Are you there? Dites, j'aimerais qu'on revienne sur un point quand même en particulier. Non, parce que c'est quand même bien beau d'avoir un super générique d'émission pour Music and the City qui encense la série Sex and the City. Mais c'est tout aussi bien de pouvoir parler de ce show télé de temps en temps. Parce que outre la série, il y a quand même eu deux films qui suivent les aventures de Carrie et de ses amis. On va pas se le cacher, le deuxième film était bien en deçà de l'excellent premier opus. Bon, ça se laisse regarder quand même, on est bien content de retrouver les filles, hein, je ne dis pas le contraire. Mais je voulais vous parler de la musique, bien sûr, la bande originale de ce deuxième film qui a été très inspirée des musiques du Moyen-Orient, vu que le film se déroule à Abu Dhabi, alors qu'il a été tourné au Maroc pour des raisons budgétaires, hein, bien sûr, mais ça, c'est une autre histoire. Il n'y a pas que des sons orientaux dans ce film, bien sûr, il y a aussi des sons américains, on est dans un film à gros budget américain. Notamment le titre « Can't Touch It » de Ricky Lee, qui a été utilisé uniquement pour la bande-annonce du film. On ne le retrouve pas dans les 2h30 de film. Mais par contre, on le retrouve tout de suite dans Music and the City, puisque on adore cette chanson. Vous ne le savez pas, mais vous l'adorez déjà. Music and the City sur Fadjet. On arrête là le suspense. Je vous l'ai annoncé en début d'émission, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Et pour vous le faire deviner, on va se la jouer Julien Lepers dans Question pour un champion. Allez, vous êtes prêts ? Je vous laisse encore une petite seconde. Allez, Je lance la devinette. Hein. Vous êtes prêts? C'est parti. Top. Je suis un groupe de musique britannique fondé par le leader de Blur. Ma musique est un mélange iconique aux multiples références. Je me cache derrière un animal proche de l'homme et mes musiciens sont systématiquement représentés par des personnages de style manga. Je suis Gorillaz, fondé par Damon Albarn et qu'on a tous adulé en 2001 avec le titre Clint Eastwood, souvenez-vous. Si moi, personnellement, je peux me vanter d'avoir tous les albums du groupe à la maison, même ceux qui sont uniquement composés de pistes B, c'est surtout parce que chaque morceau est vraiment différent, vraiment unique, et procure une sensation qu'on ne retrouve pas ailleurs, chez aucun autre groupe ou aucun autre artiste. Je prends l'exemple de la chanson Stylo, où le rappeur De La Soul donne sa voix hyper puissante sur une compo de malade. Et d'ailleurs une mention spéciale, j'y pense là, au clip de cette chanson avec un Bruce Willis qui est quand même bien tenace et où les personnages manga sont représentés en 3D, c'est juste exceptionnel. Un excellent titre de 2010 dont on va se souvenir maintenant. Push up, overload, legendary, heavy glow, sunshine, thunder roll, keep this on. Music in the City sur Fadjet. Merci à tous de votre fidélité chaque semaine dans Music in the City. Ça me fait un plaisir fou, merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine, toujours à 19h30 le lundi, mais également sur le Facebook de l'émission Fadjet-Music in the City, c'est le tiré du 6, ne vous trompez pas. Et je vous embrasse, tout simplement. Profitez du beau temps, profitez de votre famille, de vos amis, c'est le mois de mai. Il y a beaucoup de ponts cette semaine pour ceux qui ont la chance de pouvoir poser plein de congés. Sinon, vous travaillerez une journée sur deux, voilà, c'est comme ça. Écoutez de la musique surtout, c'est très important. Je vous embrasse, à la semaine prochaine.